Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en escalade, pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, des virus suivis à la trace, une série de Michel Pomarède réalisée par François Test. Au départ de cette série, il y a des épidémies légendaires et ces mots qui font peur. Virus, microbes, bactéries. Ils sont partout et invisibles sur nos mains, nos proches ou les poignées de porte. Mais on peut aussi craindre les moustiques, qui véhiculent la dengue, le chikungunya, le paludisme et désormais Zika. Alors pour commencer, les personnages. Le moustique tigre, une directrice de labo passionnée, des virologues de l'Institut Pasteur, des voyageurs qui transportent les maladies et des doctorants enthousiastes. Ensuite le décor, des cages remplies de moustiques, des œufs sur des buvards, des larves qui mangent des croquettes, des espaces confinés, la rue du docteur Roux et la cantine de l'Institut. Aujourd'hui, troisième épisode, on enfile ses surchaussures. A priori, je dirais que c'était soit une méningite, soit une encéphalite. Ou... Avec l'encéphalite, on est souvent dans le flou. Si c'était en été, j'évoquerais peut-être une piqûre d'insecte, genre virus du Nil. Des virus suivis à la trace. Donc voilà le virus. Donc vous voyez, chaque particule ici, chaque rond, c'est une particule virale. Nous avons séquencé le virus, établi son origine et modelé son mécanisme de pénétration des cellules du cerveau et des poumons. Vous avez déjà vu quelque chose de ce genre ? Donc ça ressemble beaucoup à la dengue. Là, c'est schématisé les couleurs. Chaque protéine a une couleur. Bleu, c'est viral. Doré, c'est humain. Rouge, la protéine virale d'attachement. Et vert, c'est son récepteur dans la cellule humaine. Les motifs se répètent et organisent. Vous voyez ici, il y a des motifs pentamériques et la tétramérique. Et ça finit par faire... Ça semble un peu comme des cages de... les jouets de mômes en plastique qu'on assemble et ça finit par faire des ballons. Zika, des moustiques et des hommes. Michel Pomarède, François Test. L'entrée du local des insectariums. On va rentrer un par un. Je vais vous demander de mettre des surchaussures en passant la ligne rouge pour éviter d'amener des contaminations dans les pièces d'élevage. Et il y a des voilages donc, pour éviter la sortie d'insectes parce que même si on fait très attention, il y a toujours un qui peut s'échapper. Alors évidemment, ça, ce sont des locaux d'élevage. Il n'y a aucun moustique affecté ici. Ce sont des moustiques sains. C'est tout, il n'y a aucun risque. Hein. N'ayez pas peur si vous voyez un moustique voler et que vous faites piquer. Ah, si je batte pas, j'ouvre pas. Donc c'est un local à accès autorisé aussi, seulement les personnels autorisés. Annabella Fayou, vous êtes responsable de quelle unité ici à l'Institut Pasteur ? Alors, je suis responsable d'une unité qui s'appelle Arbovirus et Insectes Vecteurs. Donc, comme cet intitulé l'indique, on travaille essentiellement sur des moustiques qui sont anthropophiles, donc qui piquent l'homme, et qui sont en plus capables de transmettre des virus qu'on appelle des arbovirus, c'est-à-dire des virus transmis par des arthropodes. Donc, dans le virus de la dengue, le virus de chikungunya, le Zika, la fièvre jaune. Donc, arthropodes, c'est des pattes articulées, arthropodes, pattes articulées dans les insectes, et les diptères, une paire d'ailes. J'ai fait de l'entomologie médicale à l'école, et donc notre spécialité, c'est vraiment les moustiques, hein. Et nous sommes des spécialistes de moustiques dans un département de virologie, puisqu'on manipule du virus également, et donc pour réaliser ce genre d'activité, nous sommes en une dizaine de personnes. Vous avez des ingénieurs, des techniciens, des post-docs, des thésards et des masters. Et nous avons également, parmi toutes ces personnes, beaucoup de personnes qui viennent du réseau international des instituts Pasteur. Donc nous avons des personnes qui viennent du Maroc, de Rio, par le passé de Cuba, de la Nouvelle-Calédonie, de Dakar, de plein de pays comme ça, où ces maladies vectorielles sont endémiques. Marie Vazeille, concrètement, vous faites quoi ici? Alors moi, je fais quoi? Je suis déjà responsable du laboratoire de confinement, le laboratoire P3, où on fait toutes les infections expérimentales. Et donc, je produis du virus, j'infecte des moustiques, j'analyse ces moustiques. Et puis, je forme les jeunes qui arrivent aux techniques qu'on utilise en arbovirologie, en entomologie médicale. Et là, on est en train d'élever des moustiques. Deux sortes de vecteurs Aedes. Oui. Aedes aegypti et Aedes albopictus. Aedes aegypti, c'est un moustique donc tropical, exclusivement tropical, originaire d'Afrique et qui est dans toute la zone intertropicale, aussi bien en Asie du Sud-Est qu'en Amérique du Sud. Aedes albopictus est un moustique qui est originaire d'Asie, mais qui a maintenant une répartition mondiale. Et contrairement à Aedes aegypti, Aedes albopictus est un moustique qui peut vivre sous les tropiques, mais également en zone tempérée. C'est lui qu'on appelle le moustique tigre. C'est lui qui est dans le sud de la France, qui est dans toute l'Europe, et qui est au Japon, enfin qui est en Chine. Et donc c'est un moustique qui existe sous deux formes, tropicale et tempérée. Si on était malicieux, on pourrait dire la moustique. Oui, puisque c'est la moustique qui pique. Le mâle ne pique pas. C'est la moustique qui prend des repas de sang pour faire son ovogenèse et pouvoir produire ses œufs. Alors, le fameux Zika, le Zika a été isolé pour la première fois de façon vraiment inattendue. C'était lors d'une campagne de surveillance de la fièvre jaune en Ouganda, dans cette fameuse cette forêt Zika. Et donc, il y avait ce qu'on appelle des singes rhésus qui servaient de sentinelles. Donc, des sentinelles, ce sont des animaux qu'on place dans la forêt et qui vont être piqués par des moustiques et qui vont faire des anticorps. Et de cette façon, on sait que ce tel virus circulent dans la région. Donc ces sentinelles, à un moment donné, se sont retrouvées infectées par un virus qui n'avait rien à voir avec la fièvre jaune, mais qui appartenait à la même famille. Et cet article qui a été écrit par Dick en 1952 a permis de décrire un nouveau virus qui est de la même famille que la fièvre jaune et la dengue, donc la famille des flaviviridés. Et ce virus est également retrouvé chez des moustiques sauvages, qu'on appelle cette espèce Aedes africanus, qui est un moustique qui ne pique pas du tout l'homme, qui pique seulement les singes, et d'où l'information assez précocement que ce virus Zika est un arbovirus, et que ce virus circule en premier lieu au sein d'un cycle sauvage, donc un cycle qui fait intervenir que des singes et des moustiques qui ne piquent pas l'homme. Et les premiers cas humains ont été détectés un peu plus tard, en 1952, c'est-à-dire 5 ans après le premier isolement du virus Zika, et chez des patients en Ouganda et en Tanzanie. Le Zika était un virus d'origine africaine. Donc, il est sorti d'Afrique en 1960 pour aller en Asie. Comment ? Certainement par des gens qui voyagent. Parce qu'en général, le virus circule pas par des moustiques infectés, mais par des gens qui voyagent, qui sont contaminés, par exemple, ici, et qui voyagent, qui se trouvent en Asie, et là, ils vont reproduire un cycle. D'accord. Donc ce virus, en fait, est sorti, on a vraiment entendu parler de lui, avec une grosse épidémie sur l'île de Yap en 2007, où 73% de la population a été affectée. Ensuite, ça s'est répandu un peu dans le Pacifique, en Polynésie française, et on connaît l'histoire du Brésil en 2015, avec plus de 2 millions de personnes qui ont été infectées, et puis 50 pays qui ont été atteints par le Zika. Et on a reproché à l'OMS de ne pas s'être intéressé au virus Zika quand il y a eu cette épidémie en Polynésie française en 2013. Et pourquoi ? Parce qu'en même temps, il y a eu cette émergence du virus Ebola en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et pourquoi? Et c'est parce que Ebola, c'est lié à un virus qui est pathogène pour l'homme. Il y a des mortalités liées à ce virus qui sont beaucoup plus importantes que par rapport au virus Zika. On ne meurt pas du Zika. On peut avoir des conséquences relativement graves. Et notamment, ça a été mis en évidence en Polynésie française et au Brésil. Et notamment des microcéphalies chez les nouveau-nés. Et puis le syndrome de Guillain-Barré qui est une maladie auto-immune qui entraîne en fait une paralysie des membres inférieurs. Et donc, en général, Zika ne tue pas, mais il peut y avoir des pathologies assez graves associées à Zika, et ça a été vu au Brésil. L'émergence va correspondre en fait à la capture d'un virus qui est sauvage, par un moustique qui pique à la fois l'homme et le singe. Donc ce moustique va prendre le rôle de relais d'une transmission du virus du singe à l'homme. Je suis Laurence Mousson, je suis technicienne de laboratoire dans l'unité Arbovirus et Insectes Vecteurs dirigée par Annabella Fayou. Vous vous faites envoyer ? On reçoit des œufs. Voilà, des œufs qui arrivent par la poste. Par la poste, dans des enveloppes matelassées pour les protéger du froid pendant le voyage. Ces œufs, ils arrivent d'où ? Ils peuvent arriver de n'importe où. De Rio, des Antilles, du Maghreb, enfin n'importe des œufs. De nos collaborateurs, parce qu'ici, les moustiques tropicaux à Paris, c'est pas vraiment ça. Ça ressemble à quoi, un œuf de moustique ? Si vous les regardez sur une loupe, vous pouvez voir qu'ils ont une forme de ballon de rugby. Voilà. On reçoit un petit papier buvard dans une enveloppe bien emballée, à sec, sur lesquels sont déposés des œufs de moustiques. Ils peuvent rester à sec pendant près de 3 mois. On les reçoit. On les met dans une bassine avec de l'eau. On va mettre de la nourriture pour déclencher l'éclosion. Donc levure de bière, je vois. Levure de bière ou croquettes pour chat. Croquettes pour chat. Oui, on aime bien les croquettes. C'est un apport de protéines. Je ne citerai pas la marque. Voilà, ils préfèrent foie poulet ou alors de la levure de bière. On met ça dans l'eau et au bout de 24 heures, on commence à voir les premières larves qui sortent. Mais elles sont microscopiques, ce sont des petits points. Parce qu'il va y avoir plusieurs stades d'évolution des larves. Alors Ricardo, description d'une larve nourrie à la croquette de chat. Oui, la larve de moustique, elle mange comme on mange les larves de papillon. Elle mange, elle mord les choses. Elle ne pique pas, elle mastique les choses. Et elle va passer pour 4 tâches. Ça veut dire qu'elle va changer la peau 4 fois pour un jour devenir nymphe. Et donc, ça va prendre 7 à 8 jours, normalement à 28 degrés. Ça, c'est quoi ? Là, c'est des petites larves. C'est des larves qui sont sorties peut-être 2 jours. Et donc, là, c'est, on pourrait dire le stade après, puisqu'on voit déjà qu'il y a un petit filet, parce que... Alors, tous les élevages sont... Les moustiques, les cuvettes sont toujours couvertes par des filets pour éviter qu'un moustique pond là, ou sinon, ces moustiques qui vont éclore et qui vont voler. Et donc là, ils sont toujours bien couverts, bien protégés. Il faut éviter les contaminations d'une espèce à l'autre. Donc, on ferme tout. Parce que vous voyez, il y a toujours un petit moustique qui vole, qui s'échappe. Là, vous voyez des nymphes. Dans les nymphes, il y a des femelles et des mâles. Tout mélangé, bien sûr. Alors, comment vous allez trouver les femelles ? Au stade adulte. On les trie qu'au stade adulte. Et vous les reconnaissez comment ? Aux antennes, principalement. C'est ce qu'il y a de plus facile. Ils n'ont pas du tout le même aspect. Les mâles sont plus petits. Il a des antennes bien plumeuses. Et il y avait une palpe, un accessoire qui est longue. Et donc, c'est vraiment différent de femelles. Attendez, vous faites le tri à l'œil nu ? On peut à l'œil nu quand on est jeune et qu'on a une bonne vue. Après, moi maintenant, je prends une loupe pour le faire. On les met dans la glace pour les endormir. Le froid, ce sont des moustiques qui sont très sensibles à la température. Le moindre petit chute de température les endort. On les laisse sur un lit de glace et à la loupe, moi à la loupe, je trie mâle, femelle d'un côté. Voilà. Un par un ? Un par un. Oui. Ça vous prend combien de temps ? Des heures. Mais tout le monde ici est responsable d'un certain nombre de populations de moustiques qu'il va utiliser après pour faire ses manips d'infection. Donc tout le monde doit savoir élever les moustiques, qu'on soit ingénieur, technicien, chercheur, tout le monde s'y met, tout le monde le sait le faire. Annabella Fayou, pourquoi ce ne sont que des moustiques femelles qui piquent ? Parce que les femelles ont besoin de sang pour pouvoir assurer le développement des œufs. C'est tout simple, hein, parce qu'en général, les moustiques ils prennent du sucre, c'est-à-dire du nectar de fleurs, des fruits et tout ça, pour pouvoir assurer le vol des moustiques. Et le mâle, il fait ça, il a besoin, le mâle, c'est un poète, il va se nourrir que de sucre, de nectar de fleurs et tout ça. Il a une durée de vie très limitée, puisqu'il vit en général 10 jours, alors que la femelle un peu plus longtemps. Et la femelle, tous les 4-5 jours, prend du sang pour assurer la maturation de ses œufs. Sachant que la femelle de moustique qui est Aedes albopictus ou Aedes aegypti n'est inséminée qu'une seule fois dans sa vie. Parce que la femelle de moustique possède des structures, des bourses, qui lui permettent de stocker les spermatozoïdes pendant toute sa vie. Donc chaque fois qu'elle va pondre, les œufs sont fertilisés à partir du même stock de spermatozoïdes. Et la femelle n'est fécondée qu'une seule fois. C'est-à-dire que le mâle va l'inséminer, et en partant, lui met un bouchon copulatoire qui empêche notre mâle de venir. Donc en fait, c'est pas seulement anecdotique, c'est que ça remet en question des stratégies de lutte antivectorielle basées sur le lâcher de mâles stériles. Ah, Ricardo, tu as quelque chose à dire? Oui, en attendant, il faut que les mâles, les femelles boivent quelque chose, mangent quelque chose après qu'ils sont adultes. Ils mangent de l'eau sucrée. Jusqu'à la veille du jour du repas sanguin. Ça veut dire que là, on va élever l'eau sucrée, comme ça, ils vont être affamés. Je vais vous proposer de vous montrer les adultes. Alors, ici, c'est la partie des adultes avec les cages. Vous pouvez rentrer, il fait 28 degrés, il y a 80% d'humidité. Donc vous reproduisez un climat tropical. On essaye. Donc ici, vous avez pas mal de cages, on a différents modèles de cages. Alors vous pouvez voir, c'est ce que Ricardo vous racontait. Donc le sucre, l'eau sucrée, elle est présentée dans ces petits récipients en verre avec des cotons. Ce sont des parotistes de dentistes, ce sont les rouleaux que les dentistes vous mettent dans la bouche pour absorber la salive normalement. Vous voyez ? Nous ici, nous sommes très bricoleurs. Donc ils viennent boire, ils vont rester là un petit moment. Soit pour faire une manipulation et une infection expérimentale, donc on va trier, on va les endormir, les aspirer avec un aspirateur, les trier sur glace, prendre les femelles, les emmener au laboratoire P3. Soit c'est juste pour faire de l'élevage, et dans ce cas-là, on va les nourrir pour que les femelles pondent dans la cage et pouvoir stocker des œufs. Les œufs, on les stocke, voyez, dans ces petits récipients en verre où on les met à sécher. Donc ils pondent sur des buvards, c'est du buvard acheté en papeterie, buvard vert, parce qu'il faut que ça soit un peu sombre et que ça soit proche des lieux de ponte dans la nature. Donc vous voyez, il y a plus ou moins d'œufs en fonction du nombre de femelles qui a pondu à ce moment-là. Et là, c'est donc début janvier, février, mars, il faudra les remettre en eau, début avril maximum, pour éviter que les œufs ne soient plus bons après. Si on attend trop, après, ça ne marche plus, là c'est ouvert. Je referme. Voilà. Merci. Fadela, qu'est-ce que vous faites dans ce laboratoire? Donc dans ce laboratoire, je suis en post-doctorat. Et je travaille sur la fièvre jaune et le risque d'émergence de la fièvre jaune, notamment au Brésil. Avant, on ne travaillait pas sur Zika, mais quand on a un peu senti que ça peut représenter un risque de santé publique, et ben c'est là où on a commencé à travailler sur ce virus-là. Votre doctorat, il porte sur quoi exactement ? Alors, mon doctorat, il s'est fait en collaboration entre l'Institut Pasteur Paris et l'Institut Pasteur du Maroc, dans un cadre d'un projet régional entre les pays du Maghreb. Et donc ça, on a travaillé sur le virus West Nile, et sur le virus de la fièvre de la vallée du Rift. Ensuite, vous faites quoi ? Ça, c'est la grande question et voilà, la grande précarité du domaine de la recherche scientifique. C'est des CDD, c'est des post-docs. Et... Pourtant, vous avez choisi un créneau, on pourrait dire porteur, puisque vous êtes au cœur d'une épidémie ou plusieurs épidémies, chikungunya, dengue, Zika. Ça commence à changer. Avec tout ce qui se passe, on commence à donner plus d'importance à l'entomologie et à l'arbovirologie. Annabella Fayou, 1947, Ouganda, forêt Zika qui donne son nom donc au virus Zika. Décembre 2015, Institut Pasteur de Guyane, séquençage complet du virus Zika. Qu'est-ce qu'apporte cette découverte faite par un de vos instituts ? Donc, en fait, l'avantage d'avoir des instituts Pasteur un peu partout dans le monde, c'est d'être tout de suite dans la réalité de la vie et puis de répondre tout de suite à ce genre d'émergence et à ce genre d'urgence sanitaire. Donc, l'Institut Pasteur de Guyane a été les premiers à pouvoir isoler le virus. Pourquoi c'est important de savoir ça ? C'est pour la stratégie aussi vaccinale. C'est-à-dire, quand on va développer un vaccin, il faut qu'on sache exactement quelle est l'identité du virus, pour pouvoir désigner un vaccin qui soit actif vis-à-vis de ce virus. Et en même temps, une fois qu'ils ont identifié ce virus, on peut se dire que quelle est ce qu'on appelle la compétence vectorielle des moustiques vis-à-vis de ce virus. C'est pour ça que nous avons travaillé en infection dans le P3 avec du virus qui a été isolé et qui est de génotype asiatique. Est-ce que un vecteur, donc un moustique femelle, peut transmettre Zika, dengue et chikungunya ? Peut être vecteur de 3 virus en même temps ? Tout à fait. Au laboratoire, on a montré qu'on pouvait infecter Aedes albopictus avec la dengue et le chikungunya et qu'on retrouvait ces deux virus dans la salive. Et bon, on n'a pas fait avec d'autres virus, mais il est probable qu'on peut avoir un cocktail de virus dans le moustique. Parce que le moustique, en fait, il n'est pas, entre guillemets, malade quand il est infecté par un arbovirus. Il réplique le virus, il reste infecté toute sa vie, et ça ne le dérange pas à outre mesure. Donc, il peut être infecté par plusieurs virus, oui, et les transmettre. Des nymphes. Ça, ce sont des moustiques un peu particuliers d'Europe. Ce sont des Aedes vexans. Ils pondent dans la mousse. Ils grignotent là-dedans. Ils vivent. Mais alors, pour les attraper, pour les trouver au milieu de la mousse, c'est un vrai bonheur. Donc, la plupart du temps, on est obligé d'utiliser un aspirateur. Alors, ça aussi, c'est du bricolage. Ce sont les aspirateurs à miettes de table, sur lesquels nos ateliers ont adapté un embout avec un filtre et on peut aspirer les adultes comme ça dans l'étage. Hop, comme ça. Ensuite, on peut récupérer l'embout et les libérer dans une cage. Ça évite d'avoir des moustiques qui volent partout. Donc là, vous allez où avec votre petit plateau ? Mon petit plateau, je vais mettre le nymphe dans les cages de moustiques pour qu'il puisse sortir là-dedans calme. T'as oublié de dire que t'étais vétérinaire quand même. Ah moi, moi j'étais vétérinaire. Hein. Quand même. Mais vous êtes occupé de quoi ? Des chats, maintenant c'est les petits animaux. De singes par exemple, là, la fièvre jaune, le paludisme aussi, de singes, des chiens avec les parasites, des animaux comme ça. Ça, c'est le bruit, hein. Ça, c'est une incubateur. Parce que ce moustique-là, c'est le moustique culex. Il pique pendant la nuit, là, les culex. Là, vous avez ouvert un gros frigo, c'est ça ? C'est un incubateur. Alors, pendant le jour, il est éteint. Et la nuit, il est allumé. Comme ça, le moustique pense que la nuit est le jour la nuit. C'est comme ça. La température, c'est quoi, là, de l'incubateur ? 28 degrés. Et l'humidité, on essaye d'augmenter avec quelques cuvettes avec de l'eau, comme ça. Donc là, vous faites quoi ? Je enlève le pot d'eau sucrée pour changer pour un nouveau. C'est passé toute la fin de semaine, comme ça, il faut changer. Hein. Tout le monde aime bien prendre la nourriture fraîche. Hein. Annabella Fayou, le Zika, ça se transmet par votre vecteur favori, le moustique, mais aussi par voie sexuelle. Expliquez-moi cette deuxième façon de contamination. Il y a plusieurs modes de contamination du virus Zika. C'est parce qu'en fait, on ne connaissait pas grand-chose sur Zika. On savait que c'était une maladie vectorielle donc transmise par des moustiques. Et à côté de ça, on a découvert lors de ces épidémies en Amérique du Sud et en Polynésie française que le Zika pouvait être transmis sexuellement par le sperme, puisqu'on a trouvé du Zika dans le sperme 180 jours après la contamination, dans les sécrétions vaginales pendant 2 semaines, aussi bien aussi dans les urines que dans le lait maternel, évidemment dans le sang. Donc le virus Zika est un virus assez particulier qui a différents modes de contamination en dehors de la contamination vectorielle. Et pourquoi est-ce qu'il passe aussi par la voie sexuelle ou la voie sanguine ? Là, on ne sait vraiment pas, à l'image de ce qui se passe pour les microcéphalies, comment est-ce que ce virus arrive à passer la barrière du placenta pour se retrouver dans le cerveau du fœtus et bloquer le développement du cerveau. On ne sait pas exactement, mais il y a une espèce de tropisme de ce virus et une facilité pour être dans différents fluides et organes qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. C'est ça votre quotidien, tous les jours vous venez surveiller que la larve est bien devenue nymphe ou que le mâle n'est pas en train de volter. Tous les deux jours, oui, c'est ça, une matinée, 3 matinées par semaine. Et ensuite, on fait le tri, on prépare et on fait des manipulations. Ensuite, en zone protégée, donc on est habillé en conséquence aussi pour être protégé. Dans une zone que vous appelez P3, très sécurisée. Très sécurisée, là vous n'entrerez pas. Et si je ne m'abuse, le terme employé dans votre service, c'est repas de sang. Repas de sang artificiel. Je pensais que c'était du sang de lapin que vous éleviez dans un autre coin de Pasteur. Alors, nous avons des lapins qui sont élevés, qui sont maintenus. Voilà, on a une animalerie avec des lapins. On leur fait une petite prise de sang et on utilise leurs globules rouges pour faire le repas artificiel en mélangeant les globules rouges avec le virus que l'on veut tester, à la concentration que l'on veut tester. On a tout un système qui s'appelle, c'est une petite capsule sur laquelle on met d'un intestin de porc, parce qu'il faut que le moustique ait l'impression de piquer un animal ou enfin un être vivant, donc une peau. Les nôtres n'aiment pas tellement les membranes plastiques, donc on lui met une membrane naturelle. Donc on prend du boyau de porc, ce qui sert à faire les saucisses, le boudin, et on met notre mélange virus, globules rouges derrière. Le tout est thermostaté à 37 degrés. Et la femelle, qu'on aura un petit peu affamée quand même avant, aura envie de piquer, surtout si elle veut pondre. C'est indispensable pour elle. Donc on est entre l'élevage de chats avec croquettes, la charcuterie, puisqu'on a du boyau de porc. Tout à fait. Le tout dans le respect de l'animal, on va dire. Ah bien sûr, de toute façon c'est du produit alimentaire le boyau de porc, hein. On va l'acheter à la charcuterie. Certains autres moustiques, pendant un temps on prenait de la peau de poulet, donc on va au supermarché acheter des poulets bio, on enlève la peau, on la dégraisse et voilà, on le tend comme un petit tambour, c'est tout. Il faut que nos moustiques soient heureux et aient envie de piquer, sinon on ne peut pas travailler. Donc là on est dans le sous-sol d'un bâtiment côté droit, on pourrait dire, de Pasteur. Oui. Côté 28. La cantine, c'est côté quoi ? C'est de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Ah, je ne sais pas. Quand même des lieux, là, on passe devant le pavillon Louis Martin de 1864-1946. Qui a travaillé sur quoi, lui ? Donc la diphtérie. Voilà. Oui, c'est écrit dessus. C'était l'hôpital. C'était l'hôpital Pasteur, qui c'est maintenant le centre d'enseignement. C'est là où ont lieu la plupart des cours Pasteur, avec les travaux pratiques. D'ailleurs, on a eu notre cours d'entomologie médicale. Au printemps dernier, ici, dans ce bâtiment. Donc, c'était l'hôpital parce que faut rappeler quand même que l'Institut Pasteur, c'est 1887, c'est 130 ans cette année, sur ce campus, qui est séparé en deux parties, il y a environ 2700 personnes qui travaillent et une centaine d'unités. Les moustiques ont droit à un repas de sang, et vous, vous avez droit à quoi, Laurent ? Nous avons droit à une cantine avec de nombreux plats, différents plats par jour, on a le choix. On a des menus bio, on a toujours un menu vapeur pour ceux qui sont au régime. Aujourd'hui, il y a œufs durs mayonnaise ou pâté en croûte. Annabella Fayou, on vient de déjeuner avec votre équipe et vous-même. Oui. On va où là ? On va sortir de la cantine et on va traverser, on va se retrouver du côté 25. Donc on est du côté 28, on va aller traverser la route du côté, on se trouve du côté 25. On va traverser tout le campus du côté 25 pour se retrouver dans le bâtiment Nicole. Donc on va faire ça à pied, hein. Ça va nous prendre 5 minutes. Est-ce que vous vous rappelez le premier jour où vous êtes arrivée ici ? Le premier jour où je suis arrivée ici, oui. Le premier jour où je suis arrivée ici, je me sentais toute petite. Je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais arriver à pouvoir travailler ici ? Et bien finalement, 22 ans après, oui. Et pourquoi l'Institut Pasteur dans votre parcours et quel est votre parcours ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait d'abord une thèse avec des moustiques de Polynésie française, puisque je suis de là-bas. Et j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la filariose de Bancroft, c'est-à-dire l'éléphantiasis. C'est cette maladie où on voit les gens avec des grosses jambes, des gros bras, qui sont liés en fait à un ver qui est transmis par un moustique. Et après la thèse, il y avait eu un post-doc qui a été fait ici, dans une unité qui s'appelait écologie des systèmes vectoriels. Donc en fait, où on travaillait sur tout ce qui est système vectoriel. Et donc j'ai passé 2 ans et ensuite j'ai intégré l'Institut Pasteur. Je suis devenue en fait chercheur à l'Institut Pasteur. Là on va passer là, on va essayer de demander au monsieur. Je passe d'abord avec mon badge. Okay. Venez par là, venez monsieur. Oui, ah oui. Allez-y. C'est bon ? Et ça va faire bientôt 21 ans que je travaille sur les moustiques à l'Institut Pasteur. Et là, on est laboratoire des Instituts Pasteur d'Outre-mer. Donc, vous voyez déjà l'entrée, la porte, elle est historique. Hein. Elle est pas du tout facile. Il faut bien en entrer. Comme toutes les portes des bâtiments de l'Institut Pasteur. On arrive là, dans le couloir central, qui est le lieu de réunion, d'attroupement de l'ensemble des membres de l'unité, et même d'autres. Et en fait, Ricardo qui est là, qui n'est pas venu à la cantine avec nous, est en train de manger un brownie. Et Marie, qui est la spécialiste du brownie, c'est elle qui nous régale de temps à autre. Hein. Et puis Laurence est toujours là pour manger. Bon, le décor est planté. Avant le repas de sang de vos insectes, un repas de chocolat. Le chocolat est essentiel. Alors, sur cet écran-là, au-dessus du brownie de Marie, qu'est-ce qu'on voit exactement ? Alors, la scène. Alors, c'est une caméra qui, en fait, est installée dans le P3 Nicole, qui est en sous-sol de notre bâtiment. Donc, vous avez plusieurs vues correspondant, par exemple, là, à un insectarium hein, où on entrepose nos moustiques infectés. Donc, on reste en général entre quelques minutes et jusqu'à maximum 4 heures, 5 heures, parce qu'on ne peut pas rester plus longtemps, compte tenu que dans ce P3, on est en dépression, c'est que la pression à l'intérieur elle est plus faible qu'à l'extérieur. Donc, on a une sensation quand même de c'est sec hein, et on a soif. Et au bout de quelques heures, on peut avoir des maux de tête. Donc, C'est indispensable de sortir au bout de 4-5 heures. Je pas si vous savez, il y a P1, P2, P3, P4. Le P4, c'est le plus haut, correspondant à la manipulation d'Ebola. Il n'y a qu'un seul P4 en France, c'est celui qui est à Lyon. Et qu'est-ce qu'on fait dans le P3? Alors, dans le P3, on fait des infections de moustiques avec du virus qu'on aura produit nous-mêmes. Et ces virus sont isolés, en fait, de patients qui ont été atteints de différentes pathologies et pour lesquels, en fait, on demande des fortes concentrations de virus pour pouvoir arriver à infecter des moustiques. Et à différents jours après cette infection, on va prendre ces femelles et on va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Où se trouve le virus, à quelle quantité. Donc, c'est là où on pratique notre spécialité, qui est la salivation des femelles de moustiques. On prend une femelle de moustique, on enlève les pattes et les ailes. Ça, c'est pas gentil, hein. Et ensuite, on prend la trompe de la femelle de moustique et on insère dans une espèce de cône. Et donc, cette femelle, avec la trompe à l'intérieur, elle va saliver parce qu'elle est stressée. Et vu qu'on lui a enlevé les pattes et les ailes, elle ne peut pas être bien. Hein. Donc, elle va recracher toute cette salive. Et cette salive qu'on va récupérer après, au bout de 30 minutes, et qu'on va titrer. C'est-à-dire qu'on va regarder combien de virus il y a dedans. Donc, on fait ça tous les jours après l'infection. Et donc, de façon à détecter le premier jour après le repas de sang, quand est-ce qu'il y a du virus dans la salive, quoi. Donc, ça nous donne une indication à partir de quand la femelle devient infectieuse après le repas de sang. Là, on descend l'escalier là, qui va mener au sous-sol. Là. Ensuite, on va franchir une première porte qui va nous mener devant le P3. Donc là, Fadela. Voilà, là, je pose mes affaires. Il y a un petit cahier où on doit noter nos noms et les pressions. Il faut vérifier que toutes les pressions à l'intérieur sont dans les normes avant d'y accéder. Et puis, l'heure de l'entrée et qu'est-ce qu'on va faire exactement. Donc là, c'est une dépression. En fait, ça aspire et ça empêche que tout ce qui est à l'intérieur sort à l'extérieur. Donc là, Fadela va rentrer et l'entrée se fait par accès badgé. Oui. Donc tout le monde ne peut pas entrer. Juste derrière la porte vitrée, Fadela, c'est là que vous allez vous changer? Voilà, non, ça c'est le premier sas. On va d'abord mettre une première paire de gants et des surchaussures. Bon, on va te laisser te changer, parce qu'on va pas te regarder te changer. Donc on se retrouve au téléphone. Voilà. Oui. D'un vecteur à l'autre. On vient de quitter Annabella Fayou et son unité qui travaille sur le vecteur Aedes, celui qui transmet le virus Zika. Et on arrive dans votre unité, génomique virale et vaccination, Frédéric Tanguy. Et vous utilisez le vecteur rougeole pour combattre Zika. Et avant, vous avez utilisé ce vecteur vaccin rougeole pour combattre chikungunya. D'accord, donc le vecteur n'a pas du tout dans le même sens que le moustique vecteur. Le moustique vecteur, il est vecteur d'une maladie. Il transporte le virus d'un individu à l'autre. Il va le prélever chez vous et l'inoculer au voisin. Et nous, on utilise un vecteur qui a un autre sens. C'est-à-dire, c'est un virus qui vectorise, qui transporte des antigènes d'un autre virus pour faire un vaccin. C'est-à-dire qu'on utilise un vaccin humain déjà existant, qui est le vaccin contre la rougeole, qu'on considère comme le meilleur ou un des 2-3 meilleurs vaccins qui n'a jamais été fait pour l'humanité. Et on utilise ce vaccin-là, on l'a cloné, on a fait du génie génétique, de l'ingénierie génétique, et on le modifie pour lui faire exprimer des morceaux du chikungunya, du Zika et d'autres. On a beaucoup d'autres programmes en cours aussi. La dengue La dengue, effectivement, mais pas que. On a un gros programme HIV aussi qui tourne pas mal. Et donc, on utilise le fait que ce vaccin, il existe déjà. C'est un médicament, c'est pas un produit de recherche, c'est un médicament humain. Nous, on le modifie. On le fait refabriquer par des laboratoires industriels de la même manière. On sait comment l'injecter, on sait comment il est supporté. On sait qu'il est sûr, ça fait 40 ans qu'on l'a utilisé sur 3 ou 4 milliards d'enfants dans le monde. Il n'y a jamais eu d'effet adverse. Personne ne s'est jamais plaint de ce vaccin. Donc on sait qu'il n'y a pas d'adjuvant. En ce moment, il y a tellement de critiques sur les vaccins et les adjuvants. Donc on a considéré que c'était une méthode très facile, et surtout pour faire des vaccins pour les pays pauvres, parce que c'est un vaccin qui, chez nous, il vaut assez cher, parce qu'il est couplé avec Orion, Rubéol, ROR. Mais c'est un vaccin qui est dans le programme élargi de vaccination de l'OMS. Il est à 17 centimes la dose de dollars. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. Donc c'est typiquement, on sait le faire à ce prix-là, quoi. Mais Frédéric Tangi, sachant qu'il faut entre 10 et 15 ans pour concevoir un vaccin, quand est-ce que vous avez commencé à travailler effectivement sur Zika ? À Zika, ça en a été très très vite. Zika, on a commencé au mois de mars, il y a moins d'un an, au mois de mars, avril l'an dernier. Et le produit qui est issu de nos recherches devrait, normalement en Autriche, démarrer un essai clinique de phase 1. Donc vous brûlez toutes les étapes. Là, en janvier. Non, ce qui est long, c'est la recherche. Disons que nous, avec notre technologie, on a la chance d'avoir un petit industriel autrichien qui, lui, est très connecté et qui a acheté la technologie, les brevets à l'Institut Pasteur, et qui développe tout ça. Donc ils ont été très très vite sur Zika, parce qu'eux se sont dit, si on est les premiers arrivés sur le Zika, on va avoir à marquer un point d'avance par rapport aux autres industriels. Donc ça a été notre chance. Nous, on a dû travailler vite à fabriquer les candidats vaccins, et eux les ont testés rapidement, et sont, je pense, en train de rentrer en essai clinique. Ce que j'entends dans votre discours, Frédéric Tangi, c'est quand même que le vaccin qui est votre objet de recherche favori, c'est quand même un business. C'est pas du business. La première chose qu'il faut c'est dire, c'est... pas de la philanthropie quand même. Non, mais le vaccin, c'est 2% du marché de l'industrie pharmaceutique. Donc c'est tout petit, c'est une virgule, c'est un bout d'ongle. Pour l'industrie pharmaceutique, qui gagne essentiellement sur l'aspirine, les anticoagulants, les corticoïdes, les anticancéreux, etc., les antibiotiques. Le moindre antibiotique dans une industrie, c'est 5 milliards de chiffre d'affaires par an. Les vaccins, c'est pas grand-chose. Mais quand même, c'est quand même un marché. Et surtout du côté des industriels, ils vont pas les fabriquer philanthropiquement. Donc s'il y a zéro marché, effectivement, comme Ebola, ça ne les intéresse pas. Donc voilà le virus. Donc vous voyez, chaque particule ici, chaque rond, c'est une particule virale. Et là aussi, vu d'un peu plus près, vous les voyez ici, la coloration est un peu différente. Donc en gros, la forme, je vais vous montrer par rapport, je ne sais pas si j'ai... On dirait du Kandinsky, mais en noir et blanc. Oui, c'est joli là. Donc il y a une enveloppe autour, on appelle ça une enveloppe, et à l'intérieur, une capside. Et l'enveloppe, voilà, ça c'est la dingue, dont la structure a été réalisée. Donc ça ressemble beaucoup à la dingue. Là, c'est schématisé, les couleurs. Chaque protéine a une couleur. C'est l'enveloppe. Les motifs se répètent. Et organisent, vous voyez ici, il y a des motifs pentamériques et la tétramérique. Et ça finit par faire... Ça semble un peu comme des cages de... les jouets de mômes en plastique qu'on assemble et ça finit par faire des ballons. Fadela ? Est-ce que vous pourriez me dire où se trouve le virus Zika ? D'accord, donc le virus Zika, il se trouve dans un congélateur de moins 80. C'est stocké, c'est rangé. Voilà, donc c'est Marie qui s'occupe de ça. C'est référencé avec le lieu, donc la provenance du virus, la quantité produite. Et voilà, donc... Donc, vous prenez le tube étiqueté Zika, et ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Il faut travailler étape par étape. Donc, on ne peut pas aller trop vite. Les moustiques, il faut attendre qu'ils se gorgent. Il faut après les mettre au réfrigérateur pour qu'ils s'endorment. Après, il faut les sortir petit à petit, trier les femelles qui se sont gorgées, les mettre dans des boîtes, attendre qu'elles se réveillent. Les nourrir, bien leur faire un petit, on va dire, leur petit chez eux, avec des serviettes humides, voir s'ils sont bien réveillés, les compter. Donc c'est plusieurs choses qui prennent beaucoup de temps. Mais Fadela, aller dans le P3, c'est pas un peu le graal de tout chercheur ici qui travaille dans le service de Annabella Fayou ? répéter, s'il vous plaît, parce que quand je respire, j'ai mon souffle qui est dans le masque et qui souffle et j'entends pas bien. Je disais, aller dans le P3, est-ce que c'est pas l'objectif de tout membre du service d'Annabella Fayou, c'est-à-dire être l'acteur principal entre le vecteur et le virus? Ah oui, c'est quelque chose, c'est un événement tous les jours qu'on fait, on sait que pour faire le panier, il faut aller dans le P3, c'est sûr que c'est quelque chose de très très intéressant, c'est une étape spéciale pour nos manips, puisque on va dire, je peux vous dire que 70% de notre travail se fait en P3, mais c'est vrai qu'au quotidien, voilà, il faut savoir le gérer. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand on a nos publications qui sortent et qui sont citées, et tout le monde parle de notre travail et de ce qu'on fait, c'est une énorme gratification. Bon travail à vous et à tout à l'heure. Annabella Fayou, Ouganda, nord de la République démocratique du Congo, Ebola, Sida, Zika, le singe, le moustique, le singe, l'homme, le singe, la chauve-souris. On a l'impression que les grandes pandémies du XXe siècle, leur foyer et leur façon de naître et après de se répandre, elles viennent toutes de la même région et elles racontent quasiment toutes la même histoire. Pourquoi ? Parce que c'est ce genre de pathogènes, et c'est tous des pathogènes viraux, sont issus toujours d'un cycle sauvage qui provoque des maladies chez les animaux qu'on appelle des zoonoses. C'est-à-dire que ça affecte en principalement les animaux sauvages. Et nous faisons partie de ce cycle parce que nous avons été contaminés de façon accidentelle. D'où en fait ces symptômes de plus en plus graves qu'on voit chez nous. Qu'est-ce qui fait que ça change aujourd'hui? Parce que nous sommes plus de 7 milliards de personnes et que nous avons un niveau de vie qui nous permet de nous déplacer, de bouger beaucoup avec une mondialisation, une globalisation de ces échanges qui font qu'en fait, tout cet équilibre naturel est perturbé. Donc forcément, ça émerge et ça émerge de ces cycles sauvages où pendant des millénaires, il n'y a eu jamais d'incursion dans ce cycle sauvage. Et c'est parce que nous intervenons de plus en plus, de façon plus en plus proche de ces cycles sauvages, et notamment avec la déforestation, avec l'écotourisme, avec ces incursions répétées dans ce cycle sauvage, que la probabilité d'être contaminé augmente et d'émergence va augmenter aussi. Donc ces virus sortent parce que nous entrons en forêt, là où on n'était pas avant. Si on s'intéresse uniquement aux flavivirus et aux arbovirus, à un sens large, on va dire, il y a 600 espèces virales qu'on connaît. Aujourd'hui, 600. Alors peut-être 60 qui peuvent potentiellement passer rapidement chez l'homme, mais il y en a 600 en tout sur Terre connue. Et probablement, ça ne représente que 1 à 10% de ce qu'on ne connaît pas. Donc effectivement, on sait. Alors comment on se prépare? On se prépare en faisant ça, entre autres, pour la vaccination. En ayant un outil versatile duquel on peut faire clac-clac, on retire ça et on met autre chose à la place, comme un mécano, quoi. C'est un peu là, on rejoint à nouveau l'enfance. Et c'est vrai que l'OMS et d'autres organisations internationales se sont mobilisées depuis Ebola et au cours de la crise Zika pour demander aux chercheurs et aux industriels de s'arranger ensemble, de s'organiser pour mettre au point des stratégies qui soient communes à toutes les émergences. Qu'on appelle une émergence, une nouvelle infection qui arrive dans l'espèce humaine. Et en général, ça vient des animaux. Et on arrive dans une zone où, pour cause de réchauffement climatique, les mêmes Aedes albopectus ont proliféré partout. Plus d'humidité, plus de flotte, plus de chaleur. Donc, tac, le moustique est là. Il pique quelqu'un qui vient d'amener un virus la nuit précédente. Et ce virus va se propager dans la population. Un virus va être bénin. On ne va même pas le sentir. On est probablement tous les jours infecté par des nouveaux trucs qu'on ne sent pas. Un autre va donner chez 10% de la population un peu de fièvre. Et un autre, Ebola, il peut tuer jusqu'à 80% de la population. La variole, ça tuait 20%, etc. Oui, donc on n'est jamais sûr de ce qui va nous tomber dessus. Musique. Question peut-être plus politique ou anthropologique à Narbella Fayou. Vous disiez Zika, ça existe depuis des années dans la forêt. Mais on a l'impression que Zika, qui ne concernait que des populations autochtones, n'intéressait pas le reste du monde blanc, européen, on va dire bien portant, et que parce que la globalisation est arrivée et que le moustique a pu transiter jusqu'à nous, voire nous piquer, tout d'un coup, l'argent est arrivé. Bien sûr, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on a entendu parler, par exemple, du virus West Nile, le virus du Nil occidental, que quand le virus est arrivé aux États-Unis en 1999 et a provoqué des milliers de morts et surtout a décimé une partie de la faune aviaire aux États-Unis et qui a lâché des quantités de millions de dollars pour pouvoir faire en sorte que les équipes de recherche travaillent là-dessus. De la même façon, en Europe, on a eu les premiers cas autochtones de dengue, de chikungunya en 2007, en 2010. Et donc la communauté européenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a libéré beaucoup d'argent pour travailler là-dessus. Donc en fait, ces connaissances nouvelles que nous avons liées à des pandémies qui affectent essentiellement les pays occidentaux va permettre aussi de faire avancer la connaissance dans des pays du Sud qui ont été jusqu'à aujourd'hui négligés parce qu'on pensait que jusqu'à très récemment, que ce sont des pathologies qui n'intéressaient que les pays du Sud et que ce sont essentiellement des problèmes à gérer par les pays du Sud. Et comme je vous disais, les gens voyagent. Donc les gens viennent du sud vers le nord, donc forcément les moustiques aussi bougent. Donc un problème qui était essentiellement des pays du sud se retrouve dans le nord et avec tous les avantages que nous voyons, c'est-à-dire une libération de fonds qui vont nous permettre de travailler plus et surtout pour les pays du sud après. Si on ne donne pas la capacité aux pays du sud de surveiller et de lancer des alertes, on ne va pas pouvoir contrôler dans le nord et on ne pourra pas mettre des barrières. Les moustiques bougent, les gens bougent, on ne pourra pas mettre une barrière. Donc forcément, il faut donner la capacité aux pays du sud de pouvoir répondre tout de suite à ce genre d'émergence et puis ensuite de pouvoir être préparé par la suite à une intervention dans le nord. Mais on est en 2017, on est loin de la période coloniale, on est passé à une période post-coloniale. Pourquoi ce genre de discours face à une réalité qui n'est toujours pas mise en place? Parce qu'il y a un manque je pense pas que ce soit un manque de financement, hein. C'est des priorités politiques pour lesquelles on se dit, bon, voilà, il y a la décolonisation, les pays d'Afrique, il faut qu'ils s'assument, il faut qu'ils organisent eux-mêmes leur système sanitaire, le système de surveillance, ce qui n'est pas le cas de tous les pays africains, parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour cela et qu'il y a d'autres priorités. Et donc forcément, on se trouve dans une situation où rien n'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce qu'on attend que ces pays qui sont autonomes prennent le relais de ce qui s'est passé pendant la période coloniale ou est-ce qu'on subvient à leurs besoins en essayant d'apporter une contribution dans la surveillance? Je ne sais pas, c'est des questions ouvertes. Zika, des moustiques et des hommes. Avec Anna Bellafayou, directrice au sein de l'Institut Pasteur du département virologie, antivirus et insectes vecteurs, et les membres de son service. Marie Vazeille, Laurence Mousson, Fadela Amraoui, Ricardo Lorenzo de Oliveira, et aussi Frédéric Tanji, responsable du laboratoire de génomique virale et vaccination. Merci à Marion Doucet, responsable du service de presse de l'Institut Pasteur. Extrait du film Contagion de Steven Soderbergh. La série documentaire, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarade. LSD, la série documentaire. À l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay, podcast et piqûre de moustiques, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Méji et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Demain, quatrième épisode, rougeole, la vaccination en question. Mais tout de suite, on retrouve Nicolas Martin pour son été en Antarctique.